18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bonjour à tous, il est 18h sur Croc Radio, c'est l'heure de votre émission Convergence. Avec moi aujourd'hui, Peggy. Bonjour. Yannick. Salut tout le monde. Claire. Bonjour. Et Yoz. Salut à vous. Qui sera notre invité aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, qui sera mis à l'honneur. Yes. Ah, petite interview du coup. À la moulinette. À la moulinette. Donc aujourd'hui, petite interview, mix de Yoz, petit make a choice, petit agenda. Tout à fait. Voilà. On est parti. Let's go. Yoz. Oui. C'est toi. Tout à fait. Donc on va parler de toi aujourd'hui. Eh ben... Je vais te laisser te présenter, hein. Alors, ouais, moi c'est Yoz, comme tout le monde me connaît sur... Enfin, comme ça, comme on connaît sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie aussi. Voilà, c'est ça. Mmh. Je suis de Lyon depuis un petit moment, j'organise pas mal de soirées à droite, à gauche, et avec vous dernièrement, avec Couple Vinyl et Mediator Electronics, sur le projet Convergence. Ce projet Convergence, tout à fait, pour la radio et les autres soirées qu'on met en place petit à petit. Et puis voilà. Ok. Tu mixes depuis combien de temps, Yoz? Je mixe depuis plus de 20 ans, il me semble. J'ai démarré en 97-98, par là, je dirais. Ouais. Comme ça, chez toi, ou qu'est-ce qui t'a donné l'envie de commencer à jouer? Alors, au tout départ, mon envie de jouer, faire de la musique... au départ, je viens plutôt du rock. J'ai toujours été un peu... punk. Ouais, punk. je sais pas si on peut dire punk, mais... mais du coup, j'ai mes influences plutôt qui viennent plutôt de Pink Floyd, de tout ça. J'ai été élevé par rapport à ça. Ouais. Et la musique ambiant avec mélange électronique et le rock, c'est quelque chose que j'adorais. Ouais, cool. J'ai toujours été un peu à contre-pied des gens ou de mes camarades de classe au collège. C'était la grosse époque hip-hop à cette époque-là. Quoi. Je sais pas. En tout cas, moi, j'écoutais du Pink Floyd et j'étais complètement à la ramasse par rapport aux autres. Mais j'aimais bien mon style et ça m'allait très bien. Je m'éclatais comme ça. Ok. T'as fait de la musique un peu? Tu jouais d'un instrument à l'époque ou pas? Non, je jouais pas spécialement d'un instrument. Par contre, assez régulièrement, on faisait des mariages avec mon frère, ma famille, ou ce genre de choses. À l'époque, on mixait sur cassette, les unes après les autres. On se débrouillait pour mettre pause ici, machin ici, et vas-y. On jouait un peu de tout, quoi. Des trucs un peu de disco, évidemment. ça me fait plaisir. Et, on y reviendra, mais toi aussi, t'as un penchant pour la disco. Une petite dose quand même. Donc voilà, ça c'est arrivé de la musique pour moi arrivée de là, vraiment vu tous les mariages qu'on a organisés quand j'étais petit et après continuer à monter une petite association avec mes amis de la Tour du Pin de Bourgoin-Jallieu, ils se reconnaîtront. Où on a commencé à monter une association qui s'appelait Fragmaçon à l'époque. Mmh. Et ensuite, Fragmaçon a déménagé sur Lyon, où j'ai commencé d'autres projets un peu plus électroniques, et où j'ai fait la rencontre des deux copains de cœur, Michel et Raph, de Mediator Electronics. Où là, on s'est entendu du feu de Dieu et c'était vraiment une belle expérience. Tu peux nous parler de cette époque de Mediator Electronics, qui existe toujours, mais à l'époque, comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Ça faisait des fêtes, ça organisait 2-3 événements. Ouais, après, dès le début, j'ai rencontré Raph sur les nuits sonores. Et on était aussi sonore à l'époque où c'était plutôt... C'était bon enfant à cette époque-là des nuits, j'aimais bien. Du coup, on s'est rencontrés sur le dernier jour. Et là, il me dit « Ah tiens, je fais une petite fête à l'Apéromix, le club qu'on adorait tous aller jouer à l'époque quand on jouait ensemble, quoi, tout simplement. » Et j'ai fait sa rencontre comme ça, juste en se donnant des flys de main à main. Et voilà, juste derrière, on s'est dit « Bon, bah allez, le news sonore, c'était quoi ? C'était pour l'Ascension. » Derrière, il y avait la fête de la musique. Mmh. À cette époque-là, la fête de la musique, on pouvait faire, je dirais pas n'importe quoi, mais... C'est un peu moins encadré. Ouais, voilà, c'était beaucoup plus punk aussi, à l'arrache, quoi. On y revient. Du coup, on s'est dit, allez, on fait un truc ensemble, et on investit le 3 paquets avec la sono qu'on avait entre nous, quoi. Mmh. Donc tout le monde a amené un peu de son petit truc. On s'est pris une grosse sauce ces jours-là, je me rappelle bien. C'était pas très évident sous l'orage et tout ça, mais c'était plutôt cool. Voilà. C'est cool. Il y avait il me semble, avec Mediator, une volonté d'apprendre aussi. Tu donnais des cours de mix, je me souviens bien. Alors, moi, c'était à titre. Alors moi, à cette époque, je donnais pas de cours de mix. C'était plutôt Raph et Michel qui donnaient des cours de mix. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont un peu perfectionné sur mon mixage aussi à un moment. Mmh. Où j'avais besoin d'apprendre encore plus surtout le vinyle. Étant donné que moi j'avais pris que sur CD à la base, donc j'apprenais à mixer que sur CD. Et après je me suis mis au mix avant de les rencontrer. Et finalement, bosser avec eux, apprendre avec eux, ça a été une belle aventure et tout ça. Et aujourd'hui, bah voilà, on est là. On en est là. C'est cool. Du coup, l'évolution de ton style. Tu as dit que ce qui t'avait motivé à jouer, à te mettre derrière la platine, c'était plutôt le rock, Pink Floyd. C'est parce que tu joues. Quand t'as commencé à faire la fête avec Mediator, qu'est-ce que tu passais comme son ? Avec Mediator, c'était plutôt de la techno de Détroit. Donc tout ce qui est Axis, tout ce qui est E-Planet et tous ces sons de Détroit avec Carl Craig, Jeff Mills et tout ça, tous les sons que j'adorais. Mm-hmm. Enfin, c'est les sons que j'ai jamais joué. Et après on est rentré dans le mode minimal. À un moment, l'évolution s'est fait comme ça, minimal, avec tous ces styles-là qui sont mélangés avec la house, la hard house aussi, que j'appelle aujourd'hui un peu hard house. Je pourrais dire, ouais, c'est presque la tech house, quoi, tu vois, hard house et tech house. Moi, je vois pas trop la différence. C'était plus fin à l'époque, peut-être. Mais bon, c'était plus subtil parce que je suis un peu un vieux, quoi. D'accord. Tu fais un peu de prod, Yoz. Ouais, t'en as fait. Un bête en perdu, ouais. Ah ouais. Tu continues. Ça fait longtemps que t'en as pas fait. Ça fait un petit moment que j'ai pas repris pris le temps de rebrancher les machines et tout ça. De temps en temps, ça m'arrive de me dire ah tiens, j'aimerais bien faire un petit jet dessus histoire de bidouiller. Par contre, je me prends pas au sérieux là-dessus. T'as pas publié, t'as pas. J'ai jamais proposé. T'as jamais proposé, non. Tant tu devrais. Bah, on verra. Les prochains morceaux. Peut-être. DJ, c'est pas ton métier, Yoz. Non, c'est pas mon métier. C'est ta passion. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis designer dans la vie. Cool, toujours dans l'artistique, quoi. Ouais, mélange artistique. Ça n'a pas été très simple. Au départ, c'était plutôt. J'étais plutôt sur un mode industriel, soudeur industriel et tout ça. Mmh. Et finalement, je voulais vraiment me rapprocher du côté artistique. J'ai fait une école d'art l'année dernière avec Froggy Art. Et du coup, ça m'a permis de me rapprocher de mon côté musical. Donc les deux, je trouvais que ça se mariait très bien et je me plais dans mon nouveau métier. Voilà. Cool. Tes projets pour la suite ? Et projet pour la suite, au niveau... À part te remettre à la prod. Oui, ça sera de l'amusement. De toute façon, pour moi, la musique, c'est plutôt de la culture et j'en fais pas mon business. Je le répète assez souvent, je crois. Les projets futurs seront m'entourer de gens qui avec qui je m'entends bien ou pour faire des événements, pour continuer à organiser des événements. Voilà, la radio aussi, c'est une belle expérience toute l'année là qu'on a tous appris les uns des autres. C'est pas facile tous les jours, mais on arrive à s'en sortir. Et les projets futurs, je pense qu'on va continuer dans cet aspect-là, tout en essayant de s'ouvrir au maximum aux autres aussi. Mmh. Ok. Voilà. Eh bien, merci. Merci. On va t'écouter jouer maintenant. Yes. Ah. Stopping me, of course, no fucking other man. It's nothing gonna stopping me, of course, no fucking other man. I was told since the day you turned away from me, and then I thought was the place that I would never see. There's nothing gonna cure my heart except to see you rise again. There's nothing gonna stopping me, of course, no fucking other man. It's nothing gonna stopping me. No fucking other man. We'll be right back. But we don't know what is to do. Where should I go? It's the question I keep asking you. Everything is good if you are holding me so tight, you said. But you should know I don't accept the other fingers in your head. You should know I don't accept the other fingers in your head. And I'm sad, but we don't know what is to do. Where should I go? It's the question I keep asking you. Everything is good if you are holding me so tight, you said. But you should know I don't accept the other fingers in your head. But you should know I don't accept the other fingers in your head. Merci Yo, c'était top. On va passer au Make a Choice. Tu connais le principe, une dizaine de questions, deux choix possibles. Yes. À toi de répondre du tac au tac. Allez. On y va. Les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? La tête dans les étoiles. The Dark Side of the Moon ou The Wall? Dark Side of the Moon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est deux albums de Pink Floyd. Si des fois, il y en a qui ne savent pas. Zéro déchet ou zéro drogue? Zéro déchet. Blanc manger coco ou Mario Kart? Mario Kart. Un van aménagé ou un chalet à la montagne? Un chalet à la montagne. Libre comme l'air ou libre comme l'art? Libre comme l'art. After ou 9h du mat sur les pistes de ski? 9h du On a une petite idée quand même. Agir ou penser? Agir. Un back-to-back avec Laurent Garnier ou une prod avec Jeff Mills? Une prod avec Jeff Mills. Ok, la dernière pour la petite, pour la route. Être oublié sur la liste des invités ou être oublié sur la plage par tes potes? Être oublié sur la plage avec mes potes. Ouais. Parce que ça t'est déjà arrivé pour la petite histoire. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on C'était pas cool les gars. On fait un petit coucou à Mimi, Michel et Brice. Yes. Merci. Ça y est, ok. C'est à toi. On va passer à l'agenda qui va nous être présenté par Yannick. Et alors, du coup, ce soir, on se retrouvera pour une soirée tapage nocturne au Terminal, dans le premier arrondissement. Pour mercredi, je vous donne rendez-vous à la terrasse pour un live au Sofitel de Bellecour. Le jeudi, ce sera Hunter the Gang et White Jack au Terminal. Pulse Addict et Master of Sound Discrète à partir de 20h. Soirée House et Techno au F2 à Saint-Étienne. Et pour le vendredi, Happiness Therapy au petit salon. Un petit before de la soirée au B2B, au Beast to Fly avec Lucas Muller et Yoz ici présent. Et B2B aussi au Bellona Club avec Umaha et We Play Vinyl. Et ce sera tout pour la semaine. Ok, je veux juste rajouter une dernière petite chose pour l'agenda. Pour les retardataires, il y a l'expo peinture fraîche qui est à voir encore jusqu'à demain. C'est canon et c'est au Hall de Bourg dans le 7e. Allez-y, ouais. C'est chaudement recommandé. Moi aussi, petite annonce pour l'agenda. La semaine prochaine, le 18 et le 19, aura lieu la 15e nuit européenne des musées. Et à cette occasion, la ville de Vienne a fait appel à nos amis de l'Assaut Lumière pour réaliser des scénographies lumineuses dans le cloître roman de Saint-André-le-Bas. Au programme, il y aura des installations lumineuses et interactives et des projections en façade. Tout ça est gratuit, et si vous ne connaissez pas, ou si vous allez, on vous recommande d'y aller pour découvrir le lieu d'une manière plus poétique, dirons-nous. Tout à fait. Et tout ça est gratuit, bien évidemment. C'est tellement bien dit, bravo. Ben voilà, je crois qu'on a fini. On est bon au niveau du timing en fait. On est pas trop mal. On n'est pas trop mal au niveau du timing. On va balancer finir. Un peu encore ouais, de musique. 2-3 tracks derrière. Pour finir. Et cool. Oui, moi je voulais parler aussi d'un truc en même temps. Ouais. Pendant les nuits sonores, du coup, on organise un open air sur la péniche Le Fargo de midi à 22h. Avec 9 DJ, 11 heures de mix et que de la joie, de la bonne humeur, voilà. Il va y avoir une petite expo en plus de sous les fagots, du food, de quoi manger et de la bonne ambiance. Il y aura à boire aussi. Ah oui, évidemment. Ok. Évidemment. Eh bien, merci à tous. Cool. Eh bien, merci à tous. Merci, merci Peggy, merci Yannick, merci Claire. Merci aux auditeurs. Merci Yoz. C'était très house et très jazzy comme mix. J'ai essayé d'être sympa. Allez, à tout bientôt. Allez, on se finit en musique. 18h-19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.